Le rouge et le noir. Chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation, Hélène Bleskin. Une réalisation de Michel Sidorov. Septième épisode. Tout Verrières bruit du scandale des amours de Madame de Rênal avec Julien. L'abbé Chélan le convoque et lui ordonne d'entrer au séminaire de Besançon. Madame de Rênal est au désespoir quand Julien quitte la ville. Au séminaire, pour lutter contre la profonde mélancolie qui l'assaille, Julien se jette à corps perdu dans l'étude. Il ne sait pas que le directeur, l'abbé Pirard, intercepte toutes les lettres que Madame de Rênal lui envoie. La mélancolie de Julien, aidée par la médiocre nourriture, commençait à influer sur sa santé, lorsqu'un matin, Fouquet parut tout à coup dans sa chambre. Enfin, j'ai pu entrer. Je suis venu 5 fois à Besançon, sans reproche, pour te voir. Toujours visage de bois. J'ai aposté quelqu'un à la porte du séminaire. Pourquoi diable est-ce que tu ne sors jamais ? C'est une épreuve que je me suis imposée. Je te trouve bien changé. Enfin, je te revois. 2 beaux écus de 5 francs viennent de m'apprendre que je n'étais qu'un sot de ne pas les avoir offerts au portier dès le premier voyage. La conversation fut infinie entre les deux amis. Julien changea de couleur lorsque Fouquet parla de Madame de Rênal. À propos, sais-tu ? La mère de tes élèves est tombée dans la plus haute dévotion. Oui, mon ami, on dit qu'elle fait des pèlerinages. Mais à la honte éternelle de l'abbé Maslon qui a espionné si longtemps ce pauvre monsieur Chélan, Madame de Rênal n'a pas voulu de lui. Elle va se confesser à Dijon. Ou à Besançon. Elle vient à Besançon ? Assez souvent. Cette visite eut fait une profonde impression sur notre héros, si, dès le lendemain, un mot que lui adressa ce petit séminariste de Verrières ne lui eût fait faire une importante découverte. Depuis qu'il était au séminaire, la conduite de Julien n'avait été qu'une suite de fausses démarches. Il se moqua de lui-même, avec amertume. À la vérité, les actions importantes de sa vie étaient savamment conduites, mais il ne soignait pas les détails. Et les habiles au séminaire ne regardent qu'aux détails. Aussi, passait-il déjà parmi ses camarades pour un esprit fort. À leurs yeux, il était convaincu de ce vice énorme. Il pensait, il jugeait par lui-même, au lieu de suivre aveuglément l'autorité et l'exemple. Un jour, au milieu d'une leçon de dogme, l'abbé Pirard fit appeler Julien. Expliquez-moi ce qui est écrit sur cette carte à jouer. Amanda Binet au café de la Girafe avant 8 heures. Dire qu'on est de Genlis et le cousin de ma mère. Julien vit l'immensité du danger. La police de l'abbé Castanède lui avait volé cette adresse. Le jour où j'entrais ici, j'étais tremblant. Monsieur Chélan m'avait dit que c'était un lieu plein de délations et de méchancetés de tous les genres. Le ciel le veut ainsi, pour montrer la vie telle qu'elle est aux jeunes prêtres et leur inspirer le dégoût du monde et de ses pompes. Et c'est à moi que vous faites des phrases, petit coquin ! À Verrières, mes frères me battaient lorsqu'ils avaient sujet d'être jaloux de moi. Au fait ! Le jour de mon arrivée à Besançon, vers midi, j'avais faim. J'entrais dans un café. Mon cœur était rempli de répugnance pour un lieu si profane. Une dame eut pitié de mon air novice. « Besançon est rempli de mauvais sujets, me dit-elle. Je crains pour vous, monsieur. S'il vous arrivait quelque mauvaise affaire, ayez recours à moi. Dites que vous êtes mon cousin et natif de Genlis. » Tout ce bavardage va être vérifié. L'abbé suivit Julien et l'enferma à clé. Rien ne manquait dans sa malle, mais il y avait plusieurs dérangements. Quel bonheur que je n'ai jamais accepté la permission de sortir, que M. Castanède m'offrait si souvent avec une bonté que je comprends maintenant. Peut-être j'aurais eu la faiblesse de changer d'habit et d'aller voir la belle Amanda. Je me serais perdu. 2 heures après, le directeur le fit appeler. Vous n'avez pas menti, mais garder une telle adresse est une imprudence dont vous ne pouvez concevoir la gravité. Malheureux enfant, dans 10 ans, peut-être, elle vous portera dommage. Le lecteur voudra bien nous permettre de donner très peu de faits clairs et précis sur cette époque de la vie de Julien. Ce n'est pas qu'il nous manque, bien au contraire, mais Peut-être ce qu'il vit au séminaire est-il trop noir pour le coloris modéré que l'on a cherché à conserver dans ses feuilles. Julien réussissait peu dans ses essais d'hypocrisie. Il tomba dans des moments de découragement complet. Un seul lui semblait abuser sa complaisance à tout croire et à sembler dupe de tout. C'était l'abbé Chat-Bernard, directeur des cérémonies de la cathédrale où, depuis 15 ans, on lui faisait espérer une place de chanoine. En attendant, il enseignait l'éloquence sacrée au séminaire. Ce cours était un de ceux où Julien se trouvait le plus habilement le premier. L'abbé Chat était parti de là pour lui témoigner de l'amitié. Un soir, Julien fut appelé chez l'abbé Pirard. C'est demain la fête du Corpus Domini, la fête Dieu. Monsieur l'abbé Chat-Bernard a besoin de vous pour l'aider à orner la cathédrale. Allez et obéissez. C'est à vous de voir si vous voulez profiter de l'occasion pour vous écarter dans la ville. Incedo, père Ignace. Le lendemain, dès le grand matin, Julien se rendit à la cathédrale, les yeux baissés. L'aspect des rues et de l'activité lui fit du bien. De toutes parts, on tendait le devant des maisons pour la procession. Tout le temps qu'il avait passé au séminaire ne lui sembla plus qu'un instant. Sa pensée était à Vergy et à cette jolie Amanda Binet qu'il pouvait rencontrer, car son café n'était pas bien éloigné. Il aperçut de loin l'abbé Chat-Bernard devant la porte de sa chère cathédrale. Je vous attendais, mon cher fils. Soyez le bienvenu. La besogne de cette journée sera longue et rude. Je désire, monsieur, n'être pas un instant seul. Daignez remarquer que j'arrive à 5h-1. Ah, ces petits méchants du séminaire vous font peur. Vous êtes bien bon de penser à eux. Un chemin est-il moins beau parce qu'il a des épines dans les haies qui le bordent? À l'ouvrage, mon cher ami, à l'ouvrage. Oui. L'abbé Chat avait raison de dire que la besogne serait rude. Julien vit qu'il fallait monter à l'échelle lui-même. Son agilité le servit bien. Il se chargea de diriger les tapissiers de la ville. L'abbé Chat, enchanté, le regardait voltiger d'échelle en échelle. Pour arriver au centre du baldaquin, au-dessus du tabernacle, il fallait marcher sur une vieille corniche en bois. Ici ? Julien se saisit des bouquets de plumes et les plaça fort bien. Et comme ça ? Là ? Oui. Oh. Obstiné. Je compterai ça à monseigneur. Le déjeuner de 10h fut très gai. Jamais l'abbé Chat n'avait vu son église si belle. Cher disciple, ma mère était loueuse de chaises dans cette vénérable basilique, de sorte que j'ai été nourri dans ce grand édifice. La terreur de Robespierre nous ruina. Depuis le rétablissement du culte par Napoléon, j'ai le bonheur de tout diriger dans cette vénérable métropole. Comme le sanctus de la grand-messe sonna, Julien voulut prendre un surplis pour suivre l'évêque à la superbe procession. Et les voleurs, mon ami. Je vous charge de l'inspection de l'aile du Nord. N'en sortez pas. Attention aux confessionnaux. C'est de là que les espionnent les voleurs et puis le moment où nous avons le dos tourné. Tandis que la procession parcourait lentement Besançon, l'église était restée dans un profond silence. La solitude rendait plus douce la rêverie de Julien. Son œil regardait sans voir. Cependant, sa distraction fut à demi vaincue par l'aspect de deux femmes fort bien mises qui étaient à genoux. L'une dans un confessionnal et l'autre tout près sur une chaise. Julien remarqua qu'il n'y avait pas de prêtre dans ce confessionnal. Il est singulier que ces belles dames ne soient pas à genoux devant quelque reposoir, si elles sont dévotes, ou placées avantageusement au premier rang de quelque balcon si elles sont du monde. Comme cette robe est bien prise, quelle grâce, Celle qui était à genoux dans le confessionnal détourna un peu la tête en entendant le bruit des pas de Julien au milieu de ce grand silence. Tout à coup, elle jeta un petit cri et se trouva mal. En perdant ses forces, cette dame à genoux tomba en arrière. Julien reconnut Madame de Rênal. C'était elle. La dame qui cherchait à lui soutenir la tête était Madame Derville. Julien, hors de lui, s'élança. Il vit la tête de Madame de Rênal, pâle, absolument privée de sentiments, flottant sur son épaule. Il aida Madame Derville à placer cette tête charmante sur l'appui d'une chaise de paille. Il était à genoux. Fuyez, monsieur, fuyez, que surtout elle ne vous revoie pas. Votre vue doit en effet lui faire horreur. Elle était si heureuse avant vous. Votre procédé est atroce. Fuyez. Éloignez-vous s'il vous reste quelque pudeur. Julien était si faible dans ce moment qu'il s'éloigna. Julien ? Julien ? Julien ? L'abbé Chat vint le prendre par le bras derrière un pilier où Julien s'était réfugié à demi-mort. Il voulait le présenter à l'évêque. Vous vous trouvez mal, mon enfant. Vous avez trop travaillé. Tranquillisez-vous. Nous avons encore 20 bonnes minutes avant que Monseigneur ne paraisse. Tâchez de vous remettre. Quand il passera, je vous soulèverai, car je suis fort et vigoureux, malgré mon âge. Mais quand l'évêque passa, Julien était tellement tremblant que l'abbé Chat renonça à l'idée de le présenter. Julien n'était pas encore revenu de la rêverie profonde où l'avait plongé l'événement de la cathédrale, lorsqu'un matin, le sévère abbé Pirard le fit appeler. Voilà, monsieur l'abbé Chat Bernard qui m'écrit en votre faveur. Je suis assez content de votre conduite. Vous êtes extrêmement imprudent et même étourdi, sans qu'il y paraisse. Cependant, jusqu'ici, le cœur est bon et même généreux. L'esprit est supérieur. Au total, je vois en vous une étincelle qu'il ne faut pas négliger. Après 15 ans de travaux, je suis sur le point de sortir de cette maison. Avant de partir, je veux faire quelque chose pour vous. J'aurais agi 2 mois plus tôt, car vous le méritez, sans la dénonciation fondée sur l'adresse d'un mandat Binet trouvé chez vous. Je vous fais répétiteur pour le Nouveau et l'Ancien Testament. Julien, transporté de reconnaissance, eut bien l'idée de se jeter à genoux et de remercier Dieu, mais il céda à un mouvement plus vrai. Il s'approcha de l'abbé Pirard et lui prit la main, qu'il porta à ses lèvres. Qu'est-ce ci ? Eh bien, oui, mon enfant, je te suis attaché. Le ciel sait que c'est bien malgré moi. Je devrais être juste et n'avoir ni haine ni amour pour personne. Ta carrière me sera pénible. Je vois en toi quelque chose qui offense le vulgaire. La jalousie et la calomnie te poursuivront. Que ta conduite soit pure, c'est la seule ressource que je te vois. Il y avait si longtemps que Julien n'avait entendu une voix amie qu'il faut lui pardonner une faiblesse. Il fondit en larmes. L'abbé Pirard lui ouvrit les bras. Ce moment fut bien doux pour tous les deux. Maintenant, Julien dînait seul, ou à peu près, 1 heure plus tard que les autres séminaristes. À son grand étonnement, il s'aperçut qu'on le haïssait moins. Il devint de mauvais ton de l'appeler Martin Luther. Il y eut une conscription dont Julien fut exempté en sa qualité de séminariste. Cette circonstance l'émut profondément. Voilà donc passé à jamais l'instant où, 20 ans plus tôt, une vie héroïque eut commencé pour moi. Le temps des examens arriva. Julien répondit d'une façon brillante. Le premier jour, les examinateurs nommés par le grand vicaire de Frilair furent très contrariés de devoir toujours porter le premier ou tout au plus le second sur leur liste, ce Julien Sorel, qui leur était signalé comme le Benjamin de l'abbé Pirard. Il y eut des paris au séminaire que dans la liste, Julien aurait le numéro premier, ce qui emportait l'honneur de dîner chez Monseigneur l'évêque. Monsieur l'abbé de Frilair, cet homme adroit, dont les dépêches à Paris faisaient trembler juges et préfets, plaça de sa main le numéro 198 à côté du nom de Julien. Il avait de la joie à mortifier ainsi son ennemi, le janséniste Pirard. Depuis 10 ans, sa grande affaire était de lui enlever la direction du séminaire. L'abbé Pirard était sincère, pieux, sans intrigue. Aucun des outrages qu'on lui adressait n'était perdu pour cette âme ardente. Il fut malade pendant 8 jours, quand en recevant la lettre officielle annonçant le résultat du concours, il vit le numéro 198 placé à côté du nom de cet élève qu'il regardait comme la gloire de sa maison. Quelques semaines après, Julien tressaillit en recevant une lettre. Elle portait le timbre de Paris. Enfin, Madame de Rênal se souvient de ses promesses. Un monsieur qui signait Paul Sorel et qui se disait son parent lui envoyait une lettre de change de 500 francs. C'est elle. C'est sa bonté. Elle veut me consoler. Mais pourquoi pas une seule parole d'amitié ? Il se trompait sur cette lettre. Madame de Rênal, dirigée par son amie Madame Derville, était tout entière à ses remords profonds. 12 années auparavant, Monsieur l'abbé de Frilair était arrivé à Besançon avec un porte-manteau des plus exigus, lequel, suivant la chronique, contenait toute sa fortune. Il se trouvait maintenant l'un des plus riches propriétaires du département. Il avait acheté la moitié d'une terre, dont l'autre partie échut par héritage à Monsieur de la Mole. De là, un grand procès entre ces personnages. Malgré sa brillante existence à Paris, Monsieur le marquis de la Mole sentait qu'il était dangereux de lutter à Besançon contre un grand vicaire qui passait pour faire et défaire les préfets. Il demanda conseil à l'abbé Chélan, qui le mit en relation avec Monsieur Pirard. Celui-ci porta son caractère passionné dans cette affaire. Sans cesse en correspondance avec lui, le marquis finit par goûter le genre d'esprit de l'abbé. Peu à peu, leur correspondance prit le ton de l'amitié. L'abbé Pirard disait au marquis qu'on voulait l'obliger, à force d'avanie, à donner sa démission. Quoique fort riche, ce grand seigneur n'était pas avare. Il n'avait pu faire accepter à l'abbé même le remboursement des frais de poste occasionnés par le procès. Il saisit l'idée d'envoyer 500 francs à son élève favori. Un jour, l'abbé Pirard reçut un petit billet qu'il engageait à passer sans délai dans une auberge du faubourg de Besançon. Il y trouva l'intendant de Monsieur de la Mole. Monsieur le marquis m'a chargé de vous amener sa calèche. Il espère qu'après avoir lu cette lettre, il vous conviendra de partir pour Paris dans 4 ou 5 jours. Débarrassez-vous, mon cher monsieur, de toutes les tracasseries de province. Venez respirer un air tranquille à Paris. Je vous envoie ma voiture. Je vous attendrai moi-même jusqu'à mardi. Il me faut un oui de votre part, monsieur, pour accepter en votre nom une des meilleures cures des environs de Paris. Le plus riche de vos futurs paroissiens ne vous a jamais vu, mais vous est dévoué plus que vous ne pouvez croire. C'est le marquis de la Mole. Pendant 48 heures, l'abbé Pirard eut la fièvre d'incertitude. Enfin, il écrivit à monsieur de la Mole et composa pour monseigneur l'évêque une lettre. Il fit réveiller Julien, qui à 8 heures du soir dormait déjà, ainsi que tous les séminaristes. Vous savez où est l'évêché ? Portez cette lettre à monseigneur. Je ne vous dissimulerai point que je vous envoie au milieu des loups. Soyez tout yeux et tout oreille. Point de mensonge dans vos réponses. Mais songez que qui vous interroge éprouverait peut-être une joie véritable à pouvoir vous nuire. Je suis bien aise, mon enfant, de vous donner cette expérience avant de vous quitter, car je ne vous le cache point, la lettre que vous portez est ma démission. Julien resta immobile. Il aimait l'abbé Pirard. Eh bien, mon ami, ne partez-vous pas ? C'est qu'on dit, monsieur, que pendant votre longue administration, vous n'avez rien mis de côté. J'ai 600 francs. Cela aussi sera marqué. Allez à l'évêché, il se fait tard. Le hasard voulut que ce soir-là, monsieur l'abbé de Frilair fût de service dans le salon de l'évêché. Julien vit avec étonnement cet abbé ouvrir hardiment la lettre adressée à l'évêque. Sa figure exprima bientôt une surprise mêlée de vif plaisir. Tout à coup, la porte s'ouvrit avec fracas. Julien aperçut un petit vieillard portant une croix pectorale. Il se prosterna. L'évêque lui adressa un sourire de bonté et passa. Le bel abbé le suivit. L'évêque de Besançon, homme d'esprit éprouvé, mais non pas éteint par les longues misères de l'émigration, avait plus de 75 ans. Quel est ce séminariste au regard fin que je crois avoir vu en passant ? Ne doivent-ils pas, suivant mon règlement, être couchés à l'heure qu'il est ? Celui-ci est fort éveillé, je vous jure, monseigneur. Et il apporte une grande nouvelle. C'est la démission du seul janséniste qui resta dans votre diocèse. Ce terrible abbé Pirard comprend enfin ce que parler veut dire. Eh bien, je vous défie de le remplacer par un homme qui le vaille. Et pour vous montrer tout le prix de cet homme, je l'invite à dîner pour demain. Faites-moi venir ce séminariste. La vérité est dans la bouche des enfants. Julien fut appelé. Je vais me trouver au milieu de deux inquisiteurs. L'évêque crut devoir interroger Julien sur ses études. Bientôt, il en vint aux humanités, à Virgile, à Horace, à Cicéron. Je n'ai rien à perdre. Essayons de prier. Il réussit. Le prélat, excellent humaniste lui-même, fut enchanté. Il est impossible d'avoir fait de meilleures études. Monseigneur, votre séminaire peut vous offrir 197 sujets bien moins indignes de votre haute protection. Comment cela ? À l'examen annuel du séminaire, j'ai obtenu le numéro 198. C'est le Benjamin de l'abbé Pirard. Nous aurions dû nous y attendre. Mais c'est de bonne guerre. Et, sur l'ordre de l'évêque, on apporta des biscuits et du vin de Malaga, auquel Julien fit honneur, et encore plus l'abbé de Frilair, qui savait que son évêque aimait avoir mangé gaiement et de bon appétit. De plus en plus content, l'évêque parla d'histoire ecclésiastique. Il remarqua que Julien ignorait presque jusqu'au nom de Tacite. Julien répondit que cet auteur ne se trouvait pas dans la bibliothèque du séminaire. Vous me tirez d'embarras. Depuis 10 minutes, je cherche le moyen de vous remercier de la soirée aimable que vous m'avez procurée. Quoique le don ne soit pas trop canonique, je veux vous donner un Tacite. Le prélat se fit apporter 8 volumes supérieurement reliés et voulut écrire sur le titre du premier un compliment latin pour Julien Sorel. Jeune homme, si vous êtes sage, vous aurez un jour la meilleure cure de mon diocèse. Mais il faut être sage. C'était « Le rouge et le noir », chronique de 1830, de Stendhal, feuilleton en 15 épisodes, adaptation Hélène Bleskin. 7e épisode, avec Simon Duprez, le narrateur, Damien Zanoli, Julien Sorel, Loïc Pichon, l'abbé Pirard, Marc-Henri Boisse, le marquis de la Mole, Evelyne Guimara, Madame Derville, Guillaume Marquet, Fouquet, Pierre Puy, l'abbé de Frilair, Georges Clès, l'évêque, Jacques Garcy, l'abbé Chat-Bernard, Laurent Lederer, l'intendant du marquis de la Mole. Bruitage, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Emmanuel Armingue. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Michel Sidoroff.